بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره، في شرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فإذا وفى بوظائف مقامه أدبا وخدمة ومناسبة ارتقى إلى المقام الذي يليه، وكانت جميع التجليات التي في ذلك المقام الذي ارتقى إليه تعطيه كل ما هو فيها من العلوم والمعارف والأسرار والأحوال والمقامات والمنازلات والكشوفات والتحقق واليقين والتمكين والتوحيد والتجريد والحكم والدقائق والرقائق والحقائق واللطائف والمنح والمواهب وما لا تحيط به الأفكار على غاية تضاعفها في الأعمار إلى آخره. الله الله. ci jotay bi wessu gisone nagn ni kon manam maqama bu ne manam maqamul qurba bu ñu waxe ne ki dafa jégué yalla nonu ni kat muqarrab la ku ñu jégué ñal la en fait dañ koy wax solo li koku askano la askanonté manam bu xose bu dugg ci hadara bi wala bu xose bu dugg ci hadara bi wax nañ ci lu ci aju moy moment bi nga xamantene da fay far lepp lo xamantene leneen la ak ko juk leneen keneen leneen dedet yalla allah allah allah mu nek kon ben moment bo xamne day nek ci contemplation mo wone dugg ci hadara contemplation total moy mushahada di jakarlo ak mbiri di ko e ke ci bir yalla ci yalla rek ngay nek hal bo xamantene manam lenen ak kene ko jog lenen du fi nek lolu nak dinañ ci ñew legi inshallah dinañ ci ñew legi ci haqaati ki wala tik wul wala yaakarna amna fu ko waxe wala adda'i bika laka min kay dik lolu xamna bu jexé fof peut-être wala wala du ay tamit ñu brossé ko fi ni du manam tekki wul ne nit ki du du am réalité ci biti ni parce que maqamala yoy maqamala yo xamné ni ko mëna incarner hak xatam moy nga xamné ay muhammadiyuna lay awliya muhammadiyuna nga xam tane ay wali yalla lañ yo xamantene dañu doon yenté bi sallallahu alayhi wasallam manam mu am ñaari côté yi nga xamantene mom lay incarner ak tadalli wa tadanni moy summa dana fa tadalla wala manam mu mëna incarner ñaari yéno tadanni ak tadalli moy élévation bi tadanni moy descente bi wala la descente c'est à dire que kon day mën di yek ak di wacc en même temps c'est ça en même temps il faut mu meuna yek di meuna wacc voilà en même temps moment bi mi yek fek na mi ngi wacc voilà contrairement ak ki nga xamantene mom majzoub kessa la mom foko fek mom majzoub normalement da war di wacc mom effortam yep moy wacc alors que salik effortam yep moy yek ñom ñaar nak kenn ku ci nek dañu wala dañuy ki dañuy dajé mais bon après lolu dinañ ci ñew bu ñëk fi fofu inshallah mais lolu moy ñom moy réalité yi ñi dund mais sauf que comme maqama bu nek dafa am ay tour ak ay en fait parce que tour yalla yi suñu waxe tour yalla yi yu zahiri ak yu batini ñom ñepp ñoo ci nek ñom lañuy wax ñom ñoy yi nga xamantene ci la Allah manam ñom ñoy ciabi aduna bi univers bi ñom ñoy ciabi di nek seen ciabi secret aussi tour yalla yi et que nit ki bu muy gën di yek ci maqama day am ay tour yuñ koy yuko yalla yi won donc manifester wuko a travers ci tour yoy am ay tour yo xamantene dañ ko koy xamal day révéler day rew donc lu muy gën di dem ci tukke mbow day am ay tour yu bes yu muy jang ay tour yu bes yu muy xam ay tour yu bes yuñ koy wal ay tour yu bes yu muy découvrir par exemple amna tour yo xamantene comme par exemple afradi amna tour yo xamantene kenen duko xam ku dul afradi ku yeg ku bokul ci afradi do xam tour yo amna tour yo xamantene par exemple o qutbu bi amna tour yo xamantene mom rek koy xam kenen duko xam mom rek ka koy jago kenen ku mën don lu mu mag du xam tour yo amna tour yo xamantene même manam par exemple ñenn ñi dañ koy mëna xam ñu ñenn ñi ci biir niveau bobu ñom dañ koy mëna xam par exemple amna tour bo xamantene tour wa hadara rek koy xam ñu bokul ci wa hadara duñ mëna xam tour bobu et que do duñ la won tour bobu loolu bo démé bo wara bok ci hadara am tour yo xamantene par exemple wa diwan ñom dinañ ko xam mais ñu wa diwan duñ leen xam amna tour yo xam manam mbir mi non la démé voilà ñu non la démé voilà et que amna tour yo xamantene par exemple ci bir awliya yi dina am ñu bari ñuko ci mëna xam ci ñom manam ñu bari manam moy lu ëpp ben dem ñaar manam lu ëpp lool dinañ ko xam sauf que kenn rek moy mëna réaliser mbir mi de manière parfaite par exemple ismullah al-azam mais bu mag bi lay wax pa bi ku nekk yor japp ne mom la mais bi mu doon deug lay wax wala yalla ñu yalla sama bobu tour bobu amna ci bir awliya yu ñu ko xam ñu mag ni al kibar ñu mag ni mag amna ci ñu ko xam wala ñu bari ci ñom xam nañ ko mais ni ñi incarner tour bi ñom ñepp tolo wuñ par exemple niko afradi di incarner ñi nga xamantene ñom dañu bok rek ci groupe afradi nonu rek te nekku ñoy ma fatiful kunus par exemple ñom niñ koy incarner ak niñ koy xamé ak réalité yiñ ci manam haqiqa yi nga xamné mom lañ ciy gis xet futu xal yiñ ci amé kushufadi manam yiñ leen ci won à travers tour bobu réalité yoyu mashahid yoyu nonu ñi ñi jakarlo bokul ak par exemple ñi nga xamné ñom ay mufatihul kunuz lañ té sé biir tamit dañu wouté selon niveau bi nan lañ ko nekk niveau yu nekk mufatihul kunuz qutb bi par exemple mom moy mo dajalé mbolém réalité yi tour bobu lambol bismillah al-azam tour mbolém réalité limu lambol ak mbolém instruction yi mu andal ndigal yamu andal ak la ca aju ci ay xéeti ndigal ak yeeg yoy yep mom moko dajale mom mo dajale yep mais mom kesse kudul mom rek amna lo ci manquer kudul mom rek tolowul mom donc déjà niñ koy xamé rek xam motax xam tour bi ben affaire la gis nga xamné ar-rahman touru yalla la lol ben affaire déjà c'est quelque chose de rukhep mais réaliser ko c'est-à-dire que tour bobu nak légui nga dundou ko manam ngi ñu dévoiler la manam ñu wuñil la mboot yi ci nek secret yi ci nek ak li ci nek ci ay haqiqa koku benen affaire ñepp to lolu wuñ ko ñepp to lolu wuñ ko wala wala lolu mo motax même ci niveau yi ni manam fim tolu mangi delu suwat di wax ci niveau bi nga xamne moy niveau bu gëna élémentaire bi mi nga xamne moy bi gëna commun comme ar-rahman bob par exemple wala latif wala yoy da ngay gis ni kon manam commun bi yépp presque xam nañ ko julit ñi ñepp xam nañ ko wala lo upp ci ñoo xam nañu ar-rahman mais buñu bëggé buñuy sét buñuy wër ñi nga xamné xam nañu mana bi lan lay tékki le sens même basique ñoo ñoo gëna niw encore so bëggé dem ba xam ñi nga xamantene nak xam nañu mana bi manam légui limu lambo ci buñ ko buñ faran faaccé ñoo ñoo encore ñoo gëna niwat ñi nga xamantene dañuy dem nak ba xam manam secret yi pour limu lambol ak yi ci nek ci ay xéeti voilà réel lool manam lool mom moy différence entre manam dañuy gis différence bi entre ñi ko xam ñom ñep xam nañ ko mais ñom ñep dañu wouté niveau biñ ko xamé ak tay par exemple koku buñu waxé rahman lim koy wax ce que cela lui dit bokut ak ki nga xamantene mom dafa xamné rek rahman tour yalla la ñom ñaar bokku ñu li leen wax baat bi di wax han mo bi hein parce que ki limu ci xam liko ci liñ ko ci wuññil ci ay xéeti sens mana ak moy réalité yi tour bi donc ké amuko ci et que même ci bir tour bobu da ngay gis amna ci ñoo xamantene par exemple dem nañ ba manam mën nañ ci nek manam buñ la ci doon wax liñ ci xam fimu tollu mën gene tok daanaka guddigi yépp ñu ci waxtaan di waxtaan ci tour bobu liñ ci xam rahman ar-rahman di la aju di mo ci nek di nangam ko gisé li d'ailleurs borox xam yi li lañ ci wuté ci ni lay tekki sans bi li la nangam et cetera dugg ci biiru sans bo buñ joggé fofu wala wala maintenant bo xolé ci maqam bi nga xamantene mom la ko borom bi taxawé maqam bobu li ak li nangam d'ailleurs ci istawa ala arsh même ci tour rahman bobu la ko défé et puis rahman ci allama alquran ci la ko défé nangam et cetera rahman manam et cetera ak niveau ni nga xamantene non lay taxawé ci aduna non lay taxawé al-akhirah aussi yamul aduna kessé comme niko ñu bari di waxé ar-rahman yamul aduna kessé al ay yu bari dañuy ñew detecter na rahman dafa am al-akhirah aussi et que même fi rahman da fait am ak rahim aussi da fait am maintenant lan moy sen différence et cetera légui maintenant nga continuer plus loin nan ndoko yenenbi sallalahu alayhi wasallam incarné et que lan moy part incarnation tour bobu ci nit ki ak nan lay défé taalluq manam nan lay ajo ci tour bobu et cetera relation bi nga xamantene rahman ni mu couvrir yenen tour yi nga xamantene ak yenn tour ñoo dugg ci ronam de telle sorte que manam yenn melo tamit ñoo dugg ak yoy non manam toute ces réalités là lolu du comme bi ñoo xam lolu fim tollu bo dajale ni nga xamantene ni xamna la yalla am tour bi ñu wax rahman yépp nañ leen wo ñu nga commencer laaj détail yoy da ngay gis ki bi dañuy wañé ko ni ci xam dara dañuy commencer wañé ko bu baax sax tay fim tollu bo amone 100 personnes mi nga indi leen début bi boy commencer di laaj boy gëndi pour approfondir rek ngay gis ngay commencer éliminer mën nga dem ba daan ko kenn ngay dess après nak mu dess nak légui zikkar bi manam tour bi maintenant ben affaire la mais nan lañ koy zikkar bo ci bëggé jarignu nan nga koy utiliser ak yoy non deng c'est pas parce que xamna tour bi que ni xamna ni mako utiliser sumay zikkar yenn leer ban façon la ndax mom ci hadara ban manam lan la tour bi lan naka la ndax ci jamal la bok wala ci jalal wala ñaar yep bu ci amé parti naka la ko amé et cetera manam dama jël exemple bobu nga xamné dafa terre à terre pour manam mettre en évidence li nga xamné mom moy liñ doon liñuy wax légui ci né tour yi manam nitu yalla ni manam ñom solo sen niveau ñom bu ni bi len di yalla di won tour yi ni tout temps dafa may hadara tour dañu am hadara am ay manazil ah tabe am manam et cetera manam dafa am ay mbir yu bari yo xamantene mom la adjo amana tour moy wat way li demeur voilà am ay maqamat aussi han moy station donc yoy yep ki nga xamantene mom moy xam tour bi mom lañ koy dévoiler dañ koy dévoiler tamit une partie de ces réalités là lolo tax tamit ngay gis comme ni yenn tour yi yoy non comme ñom señ dugal ñu xam bu baax voilà yenn tour yi nga xamantene par exemple dañuy wax ni tour bi nangam la mais ngay gis parfois ki bi wouté teggine tour bi ci bopam wouté té pourtant ben réalité la mu nek une réalité manam l'unité dans le multiple pourtant hein nga gis ni yalla mané def lool ak yoyu xet ay mbir ni mbir ay réalité réalité réalité réalité réalité ay gidi sauf que ba ci niveau bi ñuy waxé ni moy comme ñu wax sax niveau bi ni le simple vulgaire ni ki nga xamné moy yini ça ne dit rien du tout man do ci comprendre dara mais dara à part xana buñuy wax ci rahman ak yoy xet yoy mais buñ xese bu dugg ci yenen yi xamné ñoy gëna neubut rek tour yoy rek ëccë il comprend plus rien arrête dara amul dara hein lu ci xamati comme ay dada wa du xamati lu gaay di wax wa comme mo troqué jotaay ñoom señ jigu ñoom señ baw gaay nga xam buñu commencé wax day gis ma daal commencé nek ko xamanté na comme am zinji ci seen bir comme mo commencé melni comme si ap ki kaw kaw bo xamanté ne xamul lan moy chinois ñuy lak chinois ci kanam manam comme non lay mujjé mel ñom seen jotay té lool lu ko waral nak moy liko waral moy li ñuy expliquer ni moy yi ñuy wax ni lool moko waral parce que réalité yi nga xamanté mom lay dévoiler loy gën di yek ci maqamay day am ay tour yuñ lay won ay tejal yak yu muy andal ay maqama yu muy andal mais aussi ay téggine yu muy andal ak ay yo xamanté ay rôle yuñ lay jox yo xamantene dang ko remplir ay mbir yo xamantene non nga ko wara taxay taxaway yo wara am wala ay taxaway wala wabaay ay taxaway yo wara am ak lan ay han ay teggine yo remplir et que fek lolu jallu loko do jallu dem ci lenen do dal dem ci benen maqam so matale yoy après ñu yegi le fenen comme niñ ko gisee ci jotay yi wesu wallahi alhamdulillah minna leg mun fa iza wafasu matale bi wabaay fi ci taxaway maqamih maqamam yoy adaban ci teggine wa khidmatan ak ci ligeyal gis nga service bi mu laaj wa munasabatan ak askanonte mbir mi manam mu dem ba nga gis ne mom ci bopam il est approprié pour meuna mel non irtaqa day dal yek ila al maqami dem ci maqama alladhi bi nga xamne yalihi mo ci teggo wa kanat day nek nak jamyu tajalliyat mbolem te jalliyat moy feñu way moy manifestation yi han alati nga xamne fi zalika al maqam ni ngi ci maqam bobu alladhi bi nga xamantene irtaqa yegna ilahi jëm ci mom tuqi daf koy jox kullama lepp lo xamne ho mom fiha nek na ca min al ulum ci xam xam wal ma'arif ak xam yalla ya ci and wal asrar ak mbot ay secret ya ca nek wal ahwal ak xal ya ca nek moy voilà état spirituel wal maqamat ak maqamay moy station spirituelle wal munazalat ak waccu way nga xamantene mom lay ki moy manam dafa am ñaar manam muy déjà menacé bi moy waccu lay demeur mais aussi mu am la rencontre à mi-chemin. La rencontre à mi-chemin moy munazalat. Voilà. Yi nga xamné mom la Yalla di def ak mom. Yoy nak ci alamu khayal la yam et cetera moy yoy. Voilà. Manam moy li nga xamné voilà. Légi nak Yalla day ñew diko wan bopom ci yenn anam yo xamanté mom xamé wu ko won nona. Ce qui fait que lu muy gën di nek ci lool lay gën da koy gën di xam. Wal kushufat ak yi wunñeku gis nga manam moy ay dévoilement ngay gis yalla diko wunñil diko wan yenn mbir yi ci mbir mom yoy nak ñu bari buñ koy dégg dañuy fogné dévoilement yi moy dañuy gis ay affaire yu wuki bon mën na nek ñuy gënt ay yenn affaire yi wala ñuy gis yenn mbir yi et cetera mais aussi ni muy gëna nek moy ay compréhension la yuko yalla di jox à travers ay mbir yo xamantene dako xamuko won dako riri won mu koy xam c'est parce que en fait mbir mi ni mi demé moy non seulement soy gën di évoluer non seulement ce manam sa gis xol day soppé ko manam day lay mouralé bi nenen sa xol donc ngay gëna comprendre yenen yi donc moy clairvoyance bi ngay am xam nga fi du bok ak clairvoyance bi nga amul avant xolal gis nga leg dañ koy wax ci de manière générale tukki dafa bax xam nga dañ koy wax bi manière générale mais c'est dans quel sens parce que le fait que ngay gis yu bari di gis ay yeneen façon nit yu bokut ak yow façon nit ya nga dekkalon avant di meuna dajé ak yenen façon xalat yu bokut ak façon xalat yow ya nga xamone di gis ay réalité yu bokut ak réalité yow ya nga daan dund ba nga nekké rek ci seen biir kër ak yu mel non hein di meun di gis yu bess yo xamantene ma soko wona gis avant mais yoy xam nga sokoy découvrir ay réalité la pourtant yu parce que yow yep dañ la voilé won lool mais légui ne dañ ko dévoiler nga gis ko nga jakkar lool lol day modelé day tax ba sa clairvoyance manam bi nga am dootul bokkate ak avant ce qui fait que ni leg motax souvent ni tukki lu bari dañuy am ben xéetu yew bu ne ci ñom ak ben xéetu ubbeeku ni manam tolérance ak yu mel non indulgence ak bu nekk ci ñom bo xamne duy nekk souvent ci ñinga xamantene ñom musuñu tukki musuñu gennu seen kër voilà ñi nga xamantene par exemple rew yu bari lañ dem tukki fi ñooñu bokku ñu ñëlé ba paré likoy waral lool la alors que fi nak bo ci nekk yaangi ci tukki manam mom affaire yi ni bo ci nekk yaangi ci tukki peut-être que mën nga ko baña yek sax parce que yalla da la ko woyo falal da la ko yobal surtout bo nekk ci tariqa bi ni yu bari mën nga fogg ne nekk mais en réalité yaangi ci tukki bu graw sax bu xoot bo xamantene yaangi voilà yaangi xous di dem rek ngay voilà mais sauf que li ngay découvrir aussi du nek lo xamantene day wuñeku nga koy manam comme ñu bari lool lañ fogg nak ñu bari li tax moy dañuy fogg nek il faut que té lool tamit benn mbir la bo xamne bo ci yewu wo ci ngay comprendre yu bari so ci yewul nak après mën nga nek di wut ay mbir yo xamantene bokut ak yi ñu wara wut ñu bari buñ waxe affaire kushufat pour ñom moy di gis lu nit ñi dul gis mais ci benen sens ak deg luñ dul deg manam ci sens bo xamne comme ay genreu bo gisee nit ki xam limi xalaat ak han di xam li xew suba di yoy taxul ñuy wax han fi yoy yeneen affaire la yoy wax taxul ñuy wax fi yoy naam mën na nek may yalla ci benn sens mais mën na dangereux trop alors que ñun fi ci nek ni lolu c'est un cheminement spirituel bo xamantene mais c'est strictement spirituel ça n'a rien à voir ak ay mbir yo xamantene amul ben rapport ak ay mbir yo xamantene daf lay manam day tax way ngay manam yu affaireu aduna yi rek la dede amuñu rapport donc leg kon mais sauf que xam nga nit ki lolou graw la lu yalla di def la moy yalla day def sa xol day ubbe ko sa beut mu gën ko ubbi muy gëna leer mais non seulement beut bobu bu xol bi day ubbe ko mais que day am effet ba ci sa beut bi ngay gis ay mbir defé na lu normal la en fait vision bi ngay am lepp day naturel ci yow alors qu'en réalité yow li nga nek di gis lolu naturelul ma jox la ben exemple bu banal ni bo xamni tane bu banal la lele mak mu andak xale mo xam doom lolu setum mag ni mom yag na xamne par exemple souf su meleni wala yoy fofu bu fa degge te musur kh wala bok mag mi xamna ne étage bi fi ni woru fa dal manam parenter bi dafa dangereux bo fi wodde da ngay gañ mag mi mom xam nako xam nga mom lolou ming ko acquérir par une clairvoyance manam gis gisu xol bu ko yalla may du beut bi hein gis gisu xol la en fait moy xel mi mo soppé ko sino bimu nekké xalé comme xalé bi gisul won donul won gis danger bobu donul ko won xamé donul ko won ragné d'ailleurs mom tamit non la dan def akadam bi nek soufa ye xet yo la dan def daanu xamné fi dafa santé li waruñu ko lek yoyu xamuko won mais mom day fogné affaire bi dafa naturel que muy xamé affaire bi alors que non c'est parce que dafa am yoon wu mu jaar bu ko permettre tay mu meuna ragné mbir mi meun ko xamé bu meuna xamné ndekete li baxul wala li kat buma ko defé ni mbir manam même mom du gis né ci beutum manam ke ni li beutu xoloko gis mais pa beutu beut bi parce que dafa mujjé naturel ci mom dafa évident dafa nek lu évident maintenant nak le fait que ñu bare ñam mel ni mom lool tamit bokku na ci li gëna yokkat le fait que muy fogg ni affaire bi dafa évident xalé bu ndaw bi mom boko xolé ci ngay xamé ni affaire bi yow da nga soppé lool motax do def erreur yi xalé yu ndaw bi di def dayer ki ak motax gis nga même ki am experience ak ko amul duñ bok ki am experience amna erreur yu mudul defati kiko amul mom mën na ci dugg tombé té pourtant ño tollo ay at mais c'est parce que dañ ko soppi dañ ko soppi c'est-à-dire que non seulement dafa soppi kon gis mais dafa mujju ba beutam bi sax dafa soppé ko yoy nak yoy boy ki cheminé tamit ci yoon bi ngay def ngay soobu ni lool tamit bok na ci gëna yi ñu bari dul gaaw xamé manam yalla da len di wuñu de len moy cash ko moy da len di dévoiler ay réalité mais ñom dañuy fogné dévoiler luñu len dara ñom dañuy fogné non amuñu ben cash gisunu dara alors que ñu yalla mi ngi len di gënël si ñi ngi koy gis pourtant mais ñom dañ fogné gisunu dara lutax motax bu gaay di wax affaireu cash fu ki ñom dañuy fogné lenen la et que ñom ils ne sont jamais concernés ci affaire bobu alors que non alors que li leen yalla wuñul ci ay réalité ñukoy gis ak di jakarlo mom suba ngon gu deg bu tek mais xamuñu ñu toll sauf que conscient wuñ ci deng kon ku chufa ak yoy wa tahaqquq moy nga dem ba dundu mbir mi manam muy nga incarner ko yoy tamit ci maqamu bi mu yek deng nga yoy da ci andara wal yaqin ak kolute moy certitude wa tamkin ak jappandal moy stabilisation ci dara stabiliser am jappal stabilité plutôt, hein? Stabilité. Non, stabilité moy tamakkun, stabilisation peut-être. Voilà. Moy tamkin. Voilà. Wa tawhid ak wetal moy wetal Yalla. Manou ay xam xam yu aju ci walu ne Yalla ndekete dafa am ak wet manou l'unitude moy voilà monothéisme, c'est-à-dire les sciences du monothéisme. Voilà, même les secrets même. Voilà, secret ou même de son monothéisme. Secret, voilà, moi je sais pas, une étude de bon. Ou à Tadjirid, moi je foutais quoi. Tadjirid, foutais quoi. Moi dépouillement. Voilà, voilà, épuration. Voilà. Comme nous sommes orange. Xol bo mi koy xol wa lol tamit benen affaire la bo xamantene maqam bo yek ta jallu yat yi cey nek da fay and ak lola sa di ko day am ay mbir yo xamantene dang ko solo leg deug ko simi ay oblige maqam oblige wala nga commencé dindi simi bam set kay simi yitilimi ni ngay tim maintenant wala parfois sax mu nekkone yu set yu bax ki mais dang koy dindi au profit d'autres yi nga xamantene ñom ñoo gëna mag encore wala so nekké chef de quartier ñu fal la maire nga baye maire bi nga baye chef de quartier bi dem nek maire ñu fal la député nga baye maire bi dem député wala nga dindi fouté ko gog nga simé ko ci bi dem pour sol yenen benen yéré bu gëna mag encore yeneni ta parure yu gëna rafet yeneni tarta wala yu gëna taro encore wala ñu daal lay fal ministre nga baye place député bi dem nek ci ministre ñu fal la président la République nga baye ministre bi dem wala parfois ci domaine bobu lay amé mais ci njalbeen bi mom surtout boudé amna niveau bobu bu yegg bu mag bi ci yu mag yi bo yeggul mom fokk nga mom da ngay dindi utilimi di solo yu rafet di dindi utilimi diko remplacer yu rafet bo gëné yegg nga dindi wat yenen utilimi solat benen bu rafet mbir bi ni lay démé wa kara ngay yegg fi nga xamne en fait yegg lañ koy wax mais début la manam début wu benen voyage la fofu tamit voilà moy daer mom lañuy wax fi moy qurba voilà nga xamantene legui ay etedjel yat yu bes ngay gis yeneene xet wal hikam ak xereñ moy ay sagesse yo xamantene dañuy wacc ci yow wala d'ailleurs ci sagesse yoyu moy tax souvent ñooñu nonu di am ben langage bu ñuy am bu bokul gis nga xam nga nitu yalla ben affaire la nek nitu yalla ben affaire la nek nitu yalla bu mak benen affaire la mais nek dugg ci cercle bi kokum mom c'est autre chose ñooñu sen ñooñu même sen langage du bok ak langage ñeneen ñi ñoom sen wax yi ni sax bokut ak yeneen xolal cheikh bi par exemple mais gis ni muy waxe da ngay gis ne langage bob so koy wër terre rare la en fait so xol ñi waxe comme mom da ngay gis presque so wéré lool moy yémi moy soy dem par exemple di wër ñi waxé comme mom souvent bo la laajé da ngay gis né ay talibim lañ hein voilà nga xol shérif bi tamit ni mi waxe da ngay sétlo né mom tamit dafa am ben façon bu xaw bu rare ci façon bi ni mi waxe bo xamantene souvent tamit soy wër ni waxe comme mom après da ngay retrouver ko ni ah talibum la voilà manam et cetera affaire mi non lay kiwe manam dañuy am ay sagesse yo xamantene day wacc comme amna nak ño xamantene leg dañuy nuro dañuy dem ba nuro ñom seen bir souvent c'est parce que dañu fi ci presque ci ñom à peu près ci même niveau bi dañu fi à peu près ci même niveau bi c'est ay Seyd Abdul Karim Al Djili Ibn Arabi Al-Hakim At-Tirmidhi voilà Al-Imam Ibn Ata'illah voilà voilà rabbi Allah da ngay gis ne dañu ay voilà fi à peu près ci même niveau bi Seyd Abdul Qadir Al-Jilani voilà alors que tay so len xol comme ñom Suyuti Al-Ghazali da ngay gis ne ñom ñoy fi ci même niveau bi à peu près voilà so voilà ak azarruq wa shakh zarruq et cetera maintenant voilà manam da ngay gis ne ñom loy gën di ki wa da ngay gis comme le cheikh abdass dabakh dabba ak sayyid al khawas a peu près da ngay gis ne ñom da ngay gis ne ñi fey ci même niveau bi a peu près voilà c'est à dire que c'est que lool mo moy indi parfois différence bi tamit ci digënté manam loolu c'est parce que fo tollu dafa am tamit ay façon hikam moy ay parole de sagesse ak ay sagesse yu wacc ci yow yo xamantene yoy ngay formuler dañ lay jox tamit jawaj mo al kalim mais niñ leen koy joxe du ben moy wax jo xamantene day dajalé ay kan day nek lu tut mu dajalé lu bari ci ay mana moy la synthèse des paroles loolu hein mais niñ koy amé tamit du do nek ben du nek ben wad daqa'iq ak sew sew amna tamit ay sew sew yu ñuy am yu bokku tek voilà moy finesse war raqa'iq ak ay daqa'iq khurkhut wa raqa'iq sew sew voilà wa yo xam day khut ak yu sew lo xamne voilà wal haqa'iq haqa'iq en fait raqa'iq wa ak daqa'iq wa non nga ko meuna fi rek moy khut khut daqiq parce que daqiq moy lu khut raqiq moy lu am lu woyof voilà raqiq voilà moy woyof yo xamantene da ngay gis ni ay dafa fin dafa am finesse li moy profondeur daqaiq moy des profondeurs raqaiq moy des finesse voilà wal haqaiq haqaiq moy ay mbir yo xamne ay deug la yu taxaw moy les réalités wal lataif moy ay sew sew yoy fi mou voilà subtilité donc lataif voilà lataif voilà du tek ou compassion wala yoy mais plutôt des subtilités voilà wal minah ak yarale hein moy ay octroiement voilà parce que octroi parce que luñ la octroyé bokk té comme li nga xamné mo ci tégu moy war mo waxe moy maji ay dom voilà wama ak ay mbir yo xamné la taxéto du pek bi ci mbir mom ak afkaru khalat ya khalam ya ala ghayati ci njombot ta daifha ak ay bari wayam manam fulandikom yo fil amar ci dundu yi deng yi yep da ci am ay xet manam kon maqam bu mu nek han maqam bu nek tejal yar ya ci nek manam manifestation yi yalla def ci mom do yeg ba tax muy ci manam ci maqam bobu nga xamne mom la yeg dafa am daf tay jëlale lepp lu ca nek ci xet xam xam xam yalla secret han secret moy compréhension bu sew bi la yalla lay jox ci mbir yi ngay mën am distinction ab ba pare di xam tamit lan motax yalla taxawal univers bi aduna bi ak lutax mu doxale ko ni mu ko taxawale moy secret deng ak xali moy xali donc stabiliser wo go ci ak maqama ci ak yi nga xamantene mom moy waccu way yi nga xamantene mom nga ci am ak yalla borom subhanahu wa ta'ala maam defleuntek yow bi muy defleuntek yow ci waccu way yoy deng ak donc dévoilement yi ko soufati ak incarnation yi ak certitude bi nga ci am moy kooruté gogou ak jappandal gi nga ci jappandal ak wétal yalla yi maam xéet tawhid yi li la ci yalla yi won ak parce que xéetu xam xam yoy gis nga xéetu wétal gi ci maqama yoy leg leg mu am ci yenn yo xamne bu la ko ci borom bi xamalé lu toll ni lu ndaw ci xam xamu tawhid yoy da ngay mëna yëngal asaman sek souf ci yépp ci sax benn xépu beut bi té do ko yëk asaman souf lu nga mëna ko yanu ak sax xépu beut té do ko yëk deng ak fouté ko yek moy épurement dépouillement réclamer sagesse yi daqaiqi moy profondeur yi raqaiqi finesse yi haqaiqi réalité yi lataay fi subtilité yi minah manam yérélé yi mawahib may yoyep ay bir yo xamanté daf ci nek yo xamanté ay xalat yi manam xel imagination donc doko mëna yalla manam moy imagination ñi bokul fofu ñom seen xel du ko mëna yanu mo la duñ ko mëna imaginer en fait lool moy seen problème rawat na né le fait que muy nek lu bari di multiplier wu ci bir dund bi lool tamit dañ manam mais c'est extraordinaire impressionnant anam go xamne subhanallah ki duñ ko mass populaire no ñom duñ ko xama duñ ko imaginer sax en fait c'est tellement que c'est impressionnant dafa yéme dafa jéggi day ci xalat que ni ñom lolu à la rigueur comme ñuy wax ni bari na ci ñu buñ ko déggé à la rigueur lé won li pour amon na fi da nañ koy jappé ah oui hein dañ ala limite dañ fo li li existé wul mais loy gëndiyé di découvrir ok di gëna voilà lola tax ni ngay yégué dang koy xamé tamit ci tour yi ngay découvrir loy gën di découvrir ay tour en fait ak dévoilement secret moy wone ni arif bi non lay xamé niveau bi mi yégué voilà après ci dokuy mëna naté voilà mais du comme ñu bëri tamit fokk né da ngay gis ay mur yo xamantene day extraordinaire ak say beut ni di ki affaire dédé parce que yalla en fait moy ku inaccessible donc mom à travers tourum yi ak melom yi lañ koy xamé mais tour yi duñ ay jëm yu taxaw tour yi melo yi non mais mi ngi yexsi ci arif bi à travers les manifestations. tour bi mu xam ni li la tour bi ni moy day xam ni ah d'accord tour bi amna tourup yalla la ni la tuddu nangami xaraf la buma xolé adad nafsi bi moy valeur numérique bi point mystique bi nangam lay tollo ma bolé ko xam lan lay taxawé ak lan la représenter lolou moy xam na tour bi légui nak mu am ay réalité yu ñu mëna dévoiler à travers xam bima xam tour bobu voilà lolou la voilà lolou la lolou moy voilà mais du comme du comme ni sori niveau ki yoy ñu tuddu affaire bobu ni ñi koy souvent ni ñi koy xalaté melni comme si ab tour tay fim tollu buñu xamé tour bu bes day tour bi day mel taxaw mi nekk jëm melni nit wala melni lenen wala nekk ay xéeti malaka yu taxaw diko wan bopam du lolou wala motax mom legui non la ko ci lolou tax tamit du mu lolou lay meuna garder aussi le fait que mu nek nit ordinaire c'est-à-dire que son caractère humain non la koy meuna garder muy continuer di yek ci makama yi di xoti makama yi di recevoir l'air ci xol bi di ko emmagasiner di yek ci etc di découvrir ay réalité yoy mais téréwul c'est-à-dire que lolou batay mu nek même nit ki kiko xamone dembu mom la xam batay ni ko xamone daw buñu dessé wat ak mom ren mom la duñ gis benen façon nit mom lañ gis voilà sauf que nak après mom lim voilà ci biram moy soppé ko manam limu xam yimu ki lèr gi muy def ci biram ak nim koy yëgé yoy day soppé ko ak nim koy réaliser ak nim démé bay gis né manam que ni yaramam bi yépp le moindre atome la moindre particule ci yaram bi mi ngi sabbal borom bi manam yoy mu koy yek muy xamne mi ngi connecté wu ak ay réalité yo xamne ay réalité lay yu bokut ak réalité yu comme yi ni di amé ci bon dans une mesure yo xamantene meun nay sopp wouté selon niveau bi nit ki tollu voilà yoy moy différence bi fofu la différence bi bi résider mais du voilà et que même day nek ci ben moment de contemplation bu mat manam wala tewlu ak ki bo xamantene yaram bi yep da koy def mais que muy deg ak di gis mbir yo xamantene mais ci yaramam yep hein moindre particule ci yaram bi mais fo xamantene amul du lieu du place du ki et que fofu yalla rek fa nek ci yalla ngir yalla jaar ko ci yalla wolif yalla et que lolu da koy réaliser ci anam go xamantene parfois sax mom manam moy xal contemplation bobu lol nak selon voilà voilà dafa am lolou dafa laaj ay yeneeni détails yu gëna profond yo xamantene nit ki buy cheminer dina ko xam wala nit ki buy cheminer buy dem bu yegge fofu non sa dina ko xam wala bok dinañ ko ko wax wala dina ko xam wala bok dinañ ko ko wax wala ak façon bi mbir mi nonu di amé façon bi mi amé yoy yep dafa aju parfois ci secret yo xamné tane tamit du secret yo xamné wala yu wala histoire ay secret la wala wala ay secret te secret moy lo xamné wala secret moy lo xamné reste secret wala té d'ailleurs tour yoyu non ñuy découvrir fofu ak diko ki c'est que ak mbir ni mi doxé ni surtout suñu jamono ni ak le fait que mujjuk jamono ñu nek ci ak muñ ki lool moy indi tamit benen réalité benen affaire moy né borom bi subhanahu wa ta'ala dafa fiir ci réalité mi yoy ci secret ba nga xamanteni ñu bare ci ñi tud ñi zikkar nonu dañuy zikkar ay tour parfois ay tour yu spécial lañ doona ay tour yu spécial yo xamanteni dañ koy japp diko zikkar ak diko joxante ni diko jallalante comme niko gaay di defé comme niñ ko xamé hein voilà surtout ñu mëna rasrar de gay en réalité li ëpp ci ñukoy zikkar en réalité yalla fiir gi mu fiir ci turam motax duñ ci danaka duñ ci jarign danaka duñ ci jarign lutax ndax dafa yëkëti lèr gi ak secret gi ci né c'est-à-dire que c'est comme si dañ leen ko manam day melni comme si ben train bo xamantene ay marchandise la wara def mais muy daw fekk dafa vide locomotive yo xam dafa vide amul dara amul marchandise bi ci waro la ne wala lool moy réalité bi te legui ni legui instant bi ni ñu nek ni lool mo xew liko waral nak souvent moy le fait que ñukoy moy niñ koy transmettre anté da ngay gis ku yor ben tour ni ñu comme ni ko xam tane par exemple dafa dem ci serigne bo serignum mu jox ko ben tour wala ben zikar mom mu japp na le fait que jox ko bu ko nexé mu dem jox ko keneen alors que mbir mi non xol ko ci wert bi rek c'est pas parce que dama ñew ci yow nga jox ma wert parce que muqaddam nga que ni man bu ma ben way laaji saay loy wert tan yi gis na la ngay wert man la waw ah man wert ti jall la yow ah numay def kay ma xamou xaar ma jox lako mo dal la koy jang dal la koy jox ngay ci carré bi du tax nga yokko parce que dafa am d'abord lu warona ne ci man ndigal go xamne moy ndigalu man ko joxe man tamit lool nak lañu bari dul samontal eko gaay dañ koy joxante rek waaw yorna ben tour buy wax ci nangam yorna ki acca xaarama jox lako mu jeex alors que affaire bi bu lool et que souvent ñooñu non lool mu moy indi ngay gis nit ki di sikar ba dof wala muy ay xéeti fièvre yu metti diko dal wala leg leg yalla tejj buntu wërsegam complètement wala ay xéetu problème yu dul jeex diko dal souvent yoy non lool moko indi manam ci zikkar kadi voilà ndax ay effet secondaire lay def du len jarign nim len wara jarign parce que joxuñu parce que borom bi non mom non lay doxal gaay dañuy ñew banaliser ko le fait que ñu banaliser secret yoy mu doxal ak non ndax dafa firé mom secret mom yalla mom dafa firé secret mom voilà nek so xolul fi ng koy jëlé manam yow sa bop sax ya war di wax ni manam nga gis ki kilo ko bëgg jox secret bi ne mom ci bopom yellowuko yoruko wala manulako jox nga bañ yow nga bañ parce que sinon dans le cas parce que sinon bu lako joxé dalay joxale lendeum gi lendeum mais mom lendeum yi mom da lako joxale c'est à dire que yow li nga doon wut moy lèr mais ay lendeum nga jël voilà lol la yépp ay mbir la yo xamantene yu mata bayata la ñu bari comprendre ñu loolu du il faut faire extrêmement attention attention yu bari ci walu transmission bobu ci walu joxante bobu mais li gëna yéme moy leg leg ki joxe serigne bi maître bi le maître serigne bi cheikh bi mom yellona mom man nako amna toutes les prérogatives bokku ci arif yu makki bokku sax ci waahlu diwar wala ci afrad talibé bi yello mbir mi yépp nam ko wara yellowé mu jël secret ben secret buñu worona denc mu jox koko tax mom maître bi am leeram yu bari yu wañeku ci mom yo mom ci jëmmé bopam mu am yu ko daanel ci ay xéeti febar lool mo gëna yéme ni lool sax day xew yoy lool day dépendre ci niveau wu secret bi dafa am yo xamné niveau wu secret bi wala amna ci yu bari tamit amna ci yo xamantene boko jëlé nga transmettre ko joxé ko té pourtant kim ko jox pourtant yélo nako dé hi lolo gëna graw motax gis nga milieu affaire la yu yéme gis nga lég lég walu yu bo xamantene dañ koy rëcc daanel ko dindi ko génné ko parce que tout simplement dafa transmettre secret bo xamné waru ko won def amna yenn xaqayi sax ci yenn secret yo xamantene sax même khutba bi bu ko defé dañ koy folli après day dem nek afrad ci afrad parce que mom fard la khutba fard la day dem nek ci kenn ci afrad mais dootou nekati khutba dañ koy folli mais duñ ko rek voilà parce que khutba mom da fay nek en sécurité ci affaire rek voilà même amna yeneen ki sax yo xam dana day tax kenn dou lo rek ak yoy minute te souvent ñom non dañ koy am wa immunité bobu ñuy am voilà te souvent amna ci ñi yegg ci niveau yoy non souvent day fekk ñom am nañ yoy ba pare wala xam nañ ko ba fexé ba wax diko jëfëndiko ba xamné yi ñu mënké doot bu mëna rékéti voilà voilà mais voilà mais yoy yep mais motax même yu bari ci tour yi ni lolo tax même ko transmettre ni non rek non tam dañ lay puni tam am punition bu la dal cheikh amna ben question wa ñu jëgë bu nekké par exemple comme ñu waxe sax mo dafa bok ci akabiru ñu arrivé yu makki wala nekk xobbu wala ci afrané yu mu am talibé bo xamné ni yéllu na mu jox ko mbir mi té talibé bi aussi bu ko joxé secret dina ko mën téti dina ko jëfé mom nan lay xamé ni jamono ji jotna pour mu jox ko talibé bi wa lolou dina ko xom lolou mom bul ci inquiété lolu lolu ñi ci yegg xamnañ ni talibé bi yélona ma jox ko nangam dina ko ki day am ay signe yo xamantene ñom ñoy génn tout temps et puis au fur et à mesure day xamné ah li ki nak yélona secret bi mu jot ko après bi ni nangam mu jot ci bi après bi mu jot ci bi et puis tamit souvent day gis talibé bi da koy xam amna ben serigne bu né talibé bi neko dafa jox talibé ben secret wala sax ay secret tay xéti tour talibé bi neko mais yow lan motax nga jox ma secret yi té normalement dañ ko wara nubbi yi ni muneko suma xamul won ni secret bi mi ngi ci sa biir ne mi ngi ci sa biir yow ba pare kon duma permettre muy ñew di la ko jox suma xamul won ni tour yoy tour yi ma la jox ni ne mi ngi ci yow ba pare kon dort duma permettre lool de gis nga souvent nak non lay demé d'accord souvent non lay demé manam ñom dinañ xamné ki affaire bi mi ngi ci mom ba paré amna prédisposition bi bon parfois nak dañ koy xam par ay signe yu général parce que dafa am signe yo xamantene tamit dafa général hein dañu xamné ki il est approprié pour nangam ki mën na yanu secret sangam mën na yor ki nangam et cetera et que amna toutes les prédispositions ci mom pour ki mais voilà pour mëna recevoir tour sang tour yi ñu ko xamantene mom lañ yor et que déposit ki ci dépositaire la bok ci héritier la bok et que donc il faudrait que ñu transmettre ko dépôt bobu ñu transmettre ko héritage bobu da koy xam dañ koy xam ñom arif yu magi dañ koy xam et que ñu def voilà voilà parfois sax du sax ki nga xamantene moy serignu kim ko jox directement mais kenn ci ñom moy tass ak mom xamne ki yelona li ki li war na ki mu jox ko ko voilà parce que en fait de toute façon nit ñom buñu doga dem par exemple ci diwan sax ñi fay dem par exemple ñi nek ci diwan par exemple ñom buñu fay doga dem yoy lañ leen di ñëk jangal loolu lañ leen di ko nan lañ secret bi nan lañ koy téyé nan lañ koy transmettre ak nan lañ ngay ku ko yello nan lañ ko koy joxe ak gravité bi nek jox ko ko xamantene yello ko ak punition yi la ci mëna fekk dañ leen di dégg da ngay gis ni bu ñëwé ñu lay servo da ngay gis hein wala ñu xam da gis nga amna ku fi nek ku diw nangam nangam secret bi la japp def ko ni secret bi kenn duko tassare ñëlul comme ñun ni ñi def leele tam ñu jox la ben secret xol ba xam ding ko mëna téy boko kiwe dootu ñu la jox benen mais dañ lay jox ben bu gëna ndaw bu ndaw wala ñu amna ben histoire bu ñu gissoon ci reman bi bismillahir azam wa bismillahir azam entre serigne bi ak talibé bi mu jox ko jinaax duggal ko ci caisse wala ci caisse wala mu def du bëgg xol caisse bi lan la lu ñu dé wa caisse gi dafa woyof tarop est ce que nekul dima xoy wala bu bi caisse gi jinaax gi rëcc jinaax gi rëcc wala mu dér sa ci serigne bi waxo serigne bi nekkal gëna li ni non da ko gis kay rek mu ngay dogo gis rek kanam gi soppé mu réxar ko di xam ni ko ne ko gis ni yow kees sa bu kees gi nga jinnax ji rek yow mom la lay def mëno ko sam nga bëgguma jox la secret bu ay turu yalla bu mag non té dafa graw parfois dafa graw hein ki maintenant nak ki ni ñi nga xamné xamuñu ki bobu gisunu affaire bobu réalité yoy dunduñu ko ñom buñ xam yoy yef ñom dañuy ñew rek acé ñu bindal leen affaire ci keer yi ki nangam ñu joxante ko après rek gis seen morom jox ko ko yene ko ko et cetera ñuy jallalante nonu mbir yi mais duñ xamné affaire ay réalité la lambol yo xamné du nonu lañ koy dafa graw ko dafa graw ça c'est à dire que dafa am te beuri na ci yo xamantene attention beuri na ci yo xamantene normalement ken waru ko bind ci key ken waru ko tuddu ci lamel normalement ci souf kesse lañ koy bind ni suma pare nga lire ko ci sa xol bo mokal ko mo effacer ko mu jeex turba ko te beure na ci tour yu mel non mais leele da ngay gis gaay diko bindu diko wax diko tuddu te normalement lolou warta ne boko bolé ak la fet ko nak orthographe bi parfois modul du vocalisation bi du bax masque lolu après benen problème la voilà yépp ay réalité la yoo xamantene amna sax yoo xamantene haqiqatan kenn waru ko bindu loolu ci suufus Madina Madinatul Munawwara kesse ala sakinha afdalus salatu wassalam dañ koy bindu Allah d'accord wa fa fa rek lañ koy bindu xamna ñu ñu yaa wa Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.